meurt. On lui a jeté un sort. Il est devenu un gamin avec une cervelle d'or. Il voudrait enquêter, mais il est trop petit. Il a un super nœud pas. Il chante sa voix. Il résout des affaires difficiles. Il est le Sherlock, bonheur et nuit. There's no future, no future, no future pour le crime. Connor save the queen. Pas l'inspecteur mourir. Le plus sidérant pour être séduisant. Une nouvelle vie qui commence par un flashback vers le passé. Connor a retrouvé l'enfance. C'est le sang qu'on lui a jeté. Il est seul dans son monde à lui. Tout le monde a laissé tomber. Les gens le prennent pour un petit. Mais ils ne vont pas l'oublier. Qu'il résout les affaires difficiles. Il est le Sherlock, modèle réduit. There's no future, no future, no future pour le crime. Quand on sait que Queen. Aucun phénix. Oh bien sûr. Le plus sidérant. Moi c'est du énorme. God on set the president. The grand entrée gym. There's no future in Adam's dreaming. No future, no future, no future for crime. No future, no future, no future. Love you, Jeff. Love you, Jeff. Fuck life.